Chips. Party. Ah, let's go. Bébé, j'ai ça dans le sang, ma prise. Je tiens les diamants dans la vie. C'est donne en donne. J'suis derrière, j'ai fini devant. J'suis derrière, j'ai fini devant. Et devant, dis au revoir, ma vie d'avant. Everyday, j'cours après l'argent. J'cours des temps, j'ai mes raisons. J'arrive comme un danger. C'est pas moi qui a changé. Baby, n'écoute pas les hommes. Ils veulent me voir couler. J'arrive comme un danger. C'est pas moi qui a changé. Baby, n'écoute pas les hommes. Ma chérie a touché moi. Il te ment mais nous on sait. Pour la belle vie viens me voir. Ma chérie a touché moi. Il te ment mais nous on sait. Pour la belle vie viens me voir. J'pourrais changer ta vie mais ma chérie j'avoue j'hésite. L'avenir appartient à celui qui sait quand j'ai pas dormi. All eyes on me. On n'est jamais seul, on n'est jamais seul. La petite veut la nouveau. Moi je préfère le rouge. Bien dans le bendo. On n'est jamais seul, on n'est jamais seul. La petite veut la nouveau. Moi je préfère le rouge. Dans la ville, j'fais le beau temps. Après le radar, j'roule à 200. Zéro paniche, j'ai mis les gants. Elle veut mon temps. Mais l'envoi lui m'a dit d'attendre. Mais mon cœur n'est pas à prendre. Et voilà, j'ai peut-être perdu sur les champs. On y va. Aime la mélo. Alléluia. Ma momi, ta nante sur toi. Ma momi. Ma bêtise, on en a trop. Ma bêtise, j'ai tant pour mes jours. Ma baby, aime la mélo. Alléluia. Ma momi, ta nante sur toi. Ma momi. Ma bêtise, on en a trop. Ma bêtise, j'ai tant pour mes jours. Ma chérie, y'a tout chez moi. Il te ment, mais nous on sait. Pour la belle vie, j'en mets moi. Ma chérie, y'a tout chez moi. Il te ment, mais nous on sait. Pour la belle vie, j'en mets moi. Talk to me. J'pourrais changer ta vie, mais ma chérie, j'avoue, j'hésite. L'avenir appartient à celui qui sait quand j'ai pas dormi. No sleep. All eyes on me, comme un grand, j'ai tout géré. C'est géré. All eyes on me, comme un grand, j'ai géré. Bien dans le bendo, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul. La petite veut l'ando. Moi je préfère le rouge. Bien dans le bendo, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul. La petite veut l'ando. Moi je préfère le rouge.